Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Décision la police à Olage Bazui. Ça va décision moro ya bien, faut battre en action, puis faut ça suivi. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Avec Orange. La ville de Kinshasa, de ses origines à nos jours, ville ya Kinshasa, Kobanda et Banda, Tikino, Leloyo, Tozolo Belayango, Namanaka, parlons-en, Oezaïna et Sengo Mingi, Yakoyamba. Historien, député national, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre à plusieurs reprises, monsieur Thomas Louaka Losenjola. Obino mingi boyebina komboya, je connais le Congo. Les lois koyebi sabiso soki, il connaît Kinshasa. Monsieur Thomas Louaka, mbote na yo. Mbote mingi ndeko tchéri, mais nenga kina korje na ndenge touzane ibandele émission. Nazali historien te, nasala formation histoire te, nazali passionné amateur. Histoire. Voilà, historien amateur. Pona boyi ba oyo ba yebi ko lekanga ba loba na komi ko yiba titre. Mais osos s'intéresser à l'histoire, osos tanga histoire, osos sa ba conférence sur histoire et Congo. Donc tout voilà. Marcel Kitambala zaï nangai elongo Marcel Mbotenayo. Mboten de Kotiri Kambundi, Mbotepe na bande ko balandi nyo soto ya parlons-en. Yebisa biso ka so tanga histoire te. Pose un titre ou un mérité en gros casse n'est ni une histoire comment makasi. En fait, ezali pasta nangai ce qui nazali na moi ngonga. Na s'intéresse à mingi na histoire essentiellement histoire politique ya mboka na biso yango etinda kingai na enrichir moi ba connaissance mokio na zanango o tokoy ko tiana disposition ya public na biso lelo. Qui veut peu donc il faut lire parce que moto soki ya histoire na été tout le temps aux akaka zo ko rond point o kwa balobaka to azangi ba repère. Alors soko yebi sika otite okoye besiko zokendete. Voilà, merci mingi. Le lotro lobela Kinshasa makama lobezali belé. Semaine passée le 1er juillet. Hein, tout à fait. Nazwa ki ona interview batu basepeli na yango mingi batu mingi ba yebagite que le 1er juillet ambula oyo 2022 Kinshasa ekokisi 99 ans. Donc depuis kaza capitale et année prochaine le 1er juillet Kinshasa ekoza centenaire. Tout à fait. Je me demande même ceux qui n'a pas continué à banani baie baki angoli susu. C'est ça l'importance de l'histoire. Alors au tchèque biso kaka moi maï na monoko, il y a eu beaucoup de réactions positives. Yangwana na senga kio et ondimi koya kosola na biso lisolo ya Kinshasa to uti wapi lelo tozali wapi e ba étape nini toleki to banda na bandeli. Merci mingende ko tchéri. Pour nous commander pendant les soleils Kinshasa, tout bandango na les solo ya Stanley. Stanley Azali, mundele moko journaliste, Azali journaliste anglais d'origine anglaise, alobi asala. Henri Morton Stanley au tout temps à la kelasi. Exactement. Aye koluka ami pesi défi aluka source ya fleuve Nil. Aye à côté à Tanzanie bah ebisie non soko ke na vers l'ouest mai moko munene za lakakuna tokanisi yango na Nile. Nilo ya Egypte banda ko luka euta kawapi. Aye à côté ti à côté oye komi Congo aye komona fleuve rivière Lualaba na Manyema lele ko partir na babenga on Lualaba alobi yango abandi komata fleuve wana komi na Kisangani fleuve au lieu continuer na nord vers l'Egypte et kemba la moko e bifurqué ban kene na ouest alobi a o ezama imsusu parce que ce que zela ki nil e lingay continuer ka vers le nord akiti nangoti aiko koma awa na Kinshasa na le 12 mars 1878 Stanley a komine sika le loba bengi kitambo nde a komiwana et puis a zongi a komina boma a remarqué que na découvrir mai mususu parce que bimina mbushira fleuve Congo alobi ezali fleuve Congo donc na naviguer fleuve Congo kobanda kuna na likoloti na se a zongi na poto ake a sali ba article na ye aza ko sensibiliser bande ko na ye ba anglais alobi na uti ko découvrir mboka moko magnifique mai biloko ezali ebele ba anglais ezali ko intéresser ba ngote papa moko boye roi ya Belgique. Belgique eza mwa Rome moko ya moke uti kozwa independance na 1830 et uti kozwa tango bazwi independance nango bazwi yango par rapport à Hollande. Tango bazwi independance Belgique eza communauté mibale ba wallon na ba flamand ba na besoin mukonzi ba lobi siko biso toza ekolo mibale tokozwa mukonzi na ekolo nini babi eko compliqué biso soki tozwi flamand tokolo bazo kote la flamand soki babi to lukaka mupaya yangwana bakenda kozwa prince moko na Allemagne babi yaka okonza biso nde Léopold Ier wana tango akomi roi akufi atikeli mwana na ye Léopold II. Donc Léopold II wana aza kosaintéresse sikoyo na baarticle ya Stanley abengi Stanley alobi voilà yaka sikoyo okoma motu na ngai ya mosala explike ngai makambo yango eza ndenge nini abi mokonzi onga na moni kuna vraiment c'est extraordinaire alobi ok sikoyo zonga kuna ba chef okutanaki na bango wana banda kosinye na bango ba accord ba reconnaître nga Léopold II comme mokonzi na bango souverain na bango yango wana Stanley aeko zonga na 1881 akomi ao na esika babengi Kinshasa akutani na Ngaliema. Ngaliema ye nani? Ngaliema azali chef ya bateke ya bateke azali cousin ya mokonzi munene ya bateke o azana ngambu ya fleuve kuna wana lisolo colonisation ya biso pa ba belge nano ebandite wana penza tozana ebandeli 1881 Ngaliema aza cousin ya mokonzi moko munene ya bateke avanaka na ngambu babenga ke roi makoko sikoyo Ngaliema azwi asigne accord na Stanley babenga kango traité d'amitié tango asigne traité d'amitié wana Stanley alobi ok lokola tokomi ba camarade boye ngai nangi na bando créer ba poste bano benga poste to station ayebi se probleme eza te Ngaliema atindi esikoyo epa aautorize a négocier na bamikonzi na yo ya mwase yango wana Stanley aye konégocier na chef moko ya bateke kombo na ye Tambo na balivre mosu bakomaka Tambo me se Tambo asigne na ye ba accord nde wana azwi apose premier drapeau na station na bito créer station yo abengi yango na kombo na ye moko station wana poste wana kombo nango Stanley Poule batie drapeau ya Association Internationale du Congo AIC drapeau na biso ya bleu na étoile moko monene tango apose drapeau wana a créer station wana fin yebisa biso en des termes simples station wana nalo ba station est cité a créé moi cité a créé comme moi cité moko bo moi zone d'attraction na moi ba activité voilà a lobby oyo et ko cela ville na biso a bengi ango Stanley Paul neti moi e bandeli ya ville tango a créé Tambo donc place Kitambo magasin ça voilà siko Kitambo e wotu api e pa ya bateke umbu soki olingi o identifier localité moko bo bazaka na tendance ya koloba e pa ya siko epaya chez en français epa bateke umbu batia ka prefixe ki liboso epaya Ntambo na kiteke umbu kubenga Kitambo donc ya mwana origine a kombo Kitambo donc a créé poste à Stanley Paul et puis na 1882 a longoli kombo na Stanley alobino na bwake la mukonzi nanga libanga Stanley Paul est commis Léopoldville en référence à patronaye. Donc voilà Léopoldville et Bandiwana. 1881, on a fongola moi parenthèse moko personnel. Na 1981, ngai nazali élève na Athénée de la Gombe, na défilaka na boulevard du 30 juin pour na ko fêter centenaire ya ville ya Kinshasa. Kinshasa kokisa ka 100 ans na 1981 parce que la ka fête monene lelo oyo Kinshasa komi na 147 ans je crois 141 ans donc voilà wana wana Kinshasa ya mboka mais oh, tozolo bela Kinshasa ya centenaire ya année prochaine esa capitale voilà ce que tu évoluer tangu a créé wana na kitambo station Liboso alobina créé station Amibale 1881 akiti ake na moi village moko ezala ki susu na moi ces côtés les lobby chingobelezali mukonzi ya village wana komona eza kantsasa oyebi kintsasa c'est un nom courant chez les bakongo les ne congo chef wana ntsasa batusiko babenga ka epa ya ntsasa na kiteke umbuse kintsasa epa ya ntsasa lokola kintambo Kintambo et pas chef Tambo. Kinshasa et pas chef Ntsasa. Bon, pour nous aussi, ça va les Kambwe Bakiwana, Yango Monaka Bamboka Mingi, Kisenso, Kingabwa, Kingakati. Donc, et la Kisi Epaya. Donc, à qui n'a poste un ami balé a créé poste à Kinshasa. Bah, tiens, on a moi français, hein, Babaxi H. Kinshasa et comme Kinshasa. Moi et les mamans comme moi, moi polémique c'est la cas sur combo. Bato alobi on a appelé aux versions. Il y a Kinshasa, version sous Ezali que non Kinshasa est outil pas Ntsasa te Kinshasa est outil na combo ya Ntsasa. Ntsasa la question nini? Kala na esika wana nzete moko baoba Ezali, Ezala ka marché ya ba esclave. À l'époque tant bako teka bato. Batu babande ko uta na Équateur, bakangi esclave na Équateur, na Kasai, na Bandundu, marché munene ya esclave ezalaki wana, babande ko teka batu wana. Ntsasa na Kikongo ya kale lakisi marché au sel. Donc soko yo ko teka esclave na yo, ozu basaki ya Mungu ozongi nango. Donc voilà les deux explications plausibles sur origine ya kombo Kinshasa. Mais nga na garder o ya Kinshasa et pas ya Ntsasa, je crois c'est la plus vraie. Donc to continuer. C'est quoi tant que bah créé wana deux postes wana. Et comme il y a deux pôles. Voilà deux cités. Tout bien on va deux cités. Deux cités. Mais village moko pe à l'époque ezalaki na espace oyo village à chef Lemba. Lemba ça existe il y a des cartes à 1800 au comment na village Lemba ezali chef Lemba zaki na village na ezaki un peu capitale ya bateke. Teke umbo. Donc les deux postes importants c'est au ba belge ba créé Kitambo na Kinshasa. Biloko wana ebande kokola na 1885 Léopold de Tanga oti ko négocier ba conférence de Berlin et tout ayé sikoyo ko créer l'état ya Congo ebotami sima ba poste ya Kinshasa bomoni ba poste ebotami na 1881 Kinshasa à travers ba cité la Rumi Balé ebotami l'état avant le Congo comme colonie belge exactement colonie belge ba ko proclamer ngo le 1er juillet 1885 na capitale na biso ya Liboso Vivi. Siko tango to créer capitale wana na Vivi ba proclamer état indépendant une année après 1886 ba longoli ngo na Vivi ba ko tiango na Boma parce que Boma ezaki déjà na mo activité. Donc Boma siko comme capitale okomona ba décision mingi par exemple condamnation ya prophète Simon Kimbangu et okomona arezali ba décision izamaki na Boma donc ezaki neti capitale na biso ba décision minene décision ya condamnation ya procès ya Kimbangu ezalaki na ki na 1886 nde capitale ya Congo et komi Boma tango komi Boma to pona ko évoluer to évoluer ti ba belge ba eko décider sur ba étude ya commissaire de district moko kombo na ye Molar nde kombo na ye ekoma quartier moko na Bandal azaka belge commissaire de district Molar a eko décider alobi non avant même Molar il y a un fonctionnaire ya Léopold II abande ko sala na kati ya colonie tant colonie bandi ake ko kufa na mai kote ya Kintsuka papa moko mondele boye kombo na ye Kalina azalaka d'origine hongroise parce que Léopold II bandeko zo ba fonctionner en Europe mobimba tangu tata wana Kalina akufi pona ko honorer ba zukombo na ye ba pesi yango na quartier administratif o lele koma Gombe yango ekoma ki Kalina en hommage ya tata wana ya hongrois siko ba belge ba ko évoluer na 1923 ba décider ba déplacer capitale elongwa na Boma eya na Kinshasa. Pour à l'époque, quelle... Barobenga on kaka Léopoldville. Pour quelle raison? Pour trois raisons. Raison ya liboso, Boma sokota le quartier ya Congo, Boma ezali na rive droite ya fleuve Congo. Alors que Kinshasa, tous en rive gauche, Congo Mobimba, par rapport à Bissona Brazzaville, tous ali na rive gauche. Peut-être na fungola sous parenthèse, moko poto comprendre le kambo Boma malam. Na conférence à Berlin, tangu Léopold II azako négocier, ba tuba reconnaître état nae, état indépendant du Congo, ba français, ba hésita ki po ba reconnaître ango, ba zaki na problème. Problème est que nini, bah ici Léopold II, pour au départ Léopold II ambitionnait Zalaki, azoa bassin du fleuve Congo, yango esala Congo tu anango lelo, na bassin ya Kwilunyari, Kwilunyari est un fleuve mokeza na Congo Brazzaville. Nyonso wana tango ba américain ba reconnaître l'état ya Léopold II, bassin ya Congo na Kwilunyari est un mboka moko. Ba français bah ici non, okoki kozwa Kwilunyarite, ozwa Boma, ozwa Banana, nyonso parti wana to tikilo, donc parti wana ya rive gauche, rive droite ya fleuve Congo. Balobi ifo pona, soit ozwi Kwilunyari, otikeli biso Boma na Banana, soit otikeli yo ozwi Boma Banana, otikeli biso Kwilunyari. Na mwa ya février 1885, nde Léopold II aeko décidé à lâcher Kwilunyari, ozwi Boma na banane. Donc voilà comment Boma na banane s'est retrouvé par Nabisso. Si quand on s'est retrouvé par Nabisso, première raison pour nous on a motuna na pona ni to déplacer capitale, est raison stratégique. Ba belge ba lobby les lobby sont ba français toza ba camarades. Mais ceux qui lobby to ban bitumbe bimi biso na bango, Boma et kozala isolé sur la rive droite. Donc moyen qu'on défend rango exacte. Toye ba ki à l'époque pour maréchal na to mamité. Donc pour na aucun de Boma, il faut bokati ça fleuve. Pendant que Nangambo. Pendant que Nangambo. Au long de Boma, il faut beaucoup de fleuve. Yangoana, ba Belge, ba eko zwa décision, il faut capital ezala na rive gauche. Pour na ko défendre, ango facilité ko défendre ça. C'est la première raison stratégique. Stratégique. En cas ya Bitumba. Voilà. Tu ko défendre capital na bison dernier. Deuxième raison, ezali ba Belge, ba français. Au bas ça coloniser Nangambo, ben qu'on créer poste moko munene na mboka ba bengi yango mfoa yango comme Brazzaville lelo ba belge lobi non comme ba français baza wana mfoa il faut to surveiller kabango. Deuxième raison, ben qu'on pour na Kinshasa parce que zali en face ya mfoa oyo comme Brazzaville. Troisième raison, fleuve Nabiso ezali navigable, c'est-à-dire c'est ka bateau ko tambola et bandi navigabilité nango bandi wana Kinshasa ti na Kisangani. Après Kisangani ozana ba chute ba benga ba chute wa Genya bateau moyen le kayate. Après Kinshasa obanir ba chute ya Kintsuka bateau moyen le kayate. Donc les deux extrémités il y a navigabilité à fleuve, ba belge ba décider ba ça la deux villes, donc Léopoldville na Kisangani. Yango na ba isiko ko décider. Troisième raison, ce qui toti capitale na Kinshasa et ko permettre biso communication facile na reste ya mboka à travers boulevard Munene ba bengango fleuve Congo na ba affluent na ye ba affluent zali Kasai Mongala ou Bangui. Voilà troisième raison et cela qui ba ko pona Kinshasa comme capitale. Merci beaucoup. Pour le bien de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longi Molili. La ville de Kinshasa de ses origines à nos jours, Kinshasa Uto et Banda Kino Leloyo. Tozo lobela yango nandeko Thomas Luaka, passionné à histoire, député national, tozo solana ye lisolo ya Kinshasa. To note donc pour na komwa ko récapituler mandamu Stanley Nde. C'est à Stanley qu'on doit la genèse. Tout à fait. Ya Kinshasa azalaki anglais journaliste aye à découvrir à Kei Léopold II a tindie awa. A signé, moi, Mikana, ba chef loco, pour ba reconnaître l'autorité, na ye, a signé, ba accord d'amitié, na, Ngaliema, et puis, chef Tambo, et te retenir, peut que Kinshasa, exista avant Congo et comme Congo belge. Tout à fait. Voilà. Justement, on est quand on a point wana. Juste un peu manquant parce que c'est le nom, hein, ça a vraiment une importance capitale puisque de l'autre ça est Kinshasa. Mais avant c'était Lobin Sasa. Mais Azalaka Mutu, Azalaka chef, nous Lobin. C'était un grand pourquoi, chef. Pourquoi soit qui combo wana bâti na sima et Baruji nae Azawa Pilelo. Est-ce que c'est traçable? Azana ba descendance, Azana ba tout ça. Non, Lelo Oyo Tuzana en tout cas ngai personnellement naie bi ba descendant en Sasa te. Mais Oyo trace tika là. Il y a un chef et peu qu'on a Isaac Kangaliema. Ngaliema au Sénégal qui n'a installé. Koko naie, koko ya Ngaliema. Bazwa ki ye, ba koti se na armée na ba belge. Kombo na ye, Mumbele. Ou epe sa le loka Mumbele. Donc, azale koko ya Ngaliema. Et Mumbele, ye, atiki bana, bana ba ye bana ki, entre autres, moi na ye moko ya Liboso, kombo na ye, Adrien Mumbele, a ye bani mingi na kombo ya, Strevos Nyarkos. Nyarkos, et puis, donc voilà, c'est des descendants ya Ngaliema auto yebi. D'accord. Donc, deux cités, il y a Léopoldville, il y a Liboso Kintambo, il y a Mibale Kinshasa. Sikoyo, Oebisibiso, entre 1886 na 1923, capitale, il y a Congo, état indépendant du Congo, Izalaki, Boma. Boma. Mais en 1923, colonisateur, il y a déplacé à Kinshasa pour les trois raisons évoquées. Mais alors que deux Izalaki, deux cités, Kintambo, na Kinshasa, pona nini ba pona enfin pona nini lobby lobby to pona nini lelo et comment Kinshasa po. Qu'est-ce qui a justifié le fait que Kinshasa ait soit primauté sur Kintambo alors que Kintambo est qui cité à Liboso au Stanley à Kreyaki? En fait Kitambo ndezwa ki valeur Liboso na ibisi bino Kitambo ba bengi yango ba mindele ba bengi yango Léopoldville. Donc, les deux cités, elles ont évolué de manière indépendante. Léopoldville na Kinshasa. Centre-ville, il y a Léopoldville. Il y a le lot magasin Kitambo. Centre-ville, il y a Kinshasa. Il y a le lot rond-point Forestcom. D'ailleurs, bah, Belge, Balobi, comme c'est une zone marécageuse, Kinshasa est un marécage. Il y a peut-être, tu vas comprendre, il y a balabala mingi et oumé la kana Kinshasa, parce que maïebi makanase, il y a mabele. Donc, comme c'est une zone marécageuse entourée d'une, de deux chaînes de montagnes, les chaînes, les monts Ngaliema, chaînes de montagnes, et puis deuxième, les monts Amba, c'est une chaîne de montagnes, na Sewana, Ozana, dans la zone moko marécageuse, yango epesi ba Lingwala, commune à Kinshasa et tout et tout. Donc, les deux cités doivent être reliées. Ba Belge, ba sali balabala moko, eza kouta magasin ki tambo, tina rond-point Forestcom. Balabala ngwe le kiwapi, lelo yo avenue Mondjiba, au côté avenue de la justice, ti avenue de la justice, c'est comme Lukusa, ti okoyi na rond-point Forestcom. Wana pona ba mituka. Ba epe korelia ngo na chemin de fer. Chemin de fer e bani magasin Kitambo et le ki o ba bengi lelo yo boulevard du 30 juin ezalaka chemin de fer ti eke na gare centrale. Voilà de deux moyens ya communication en deux cités wana. Après quelques temps ba belge ba eko décider ba déplacer chemin de fer na esika ekomi lelo esika chemin de fer ezalaki Liboso nde ekomi sikoyo boulevard. Donc toyebaka boulevard ya Liboso ya Kinshasa ezali avenue de la justice. Yango okexpliquer par exemple y a une petite église ya ba protestant à côté à avenue Lukusa. Hein, eza ba église wana parmi première église ya ville ya Kinshasa ezaki neti na boulevard parce qu'à l'époque Lukusa ezaka boulevard. Donc sikoyo ba ville wana bandi kokola e bandi kokola avec le temps plus ville zokola ba deux villes wana eko tutana ba belge ba eko pesa l'ensemble kombo nango Léopoldville. Bah comme ils ont Léopoldville. Yes, donc na Kintambo, na Kinshasa. Et comme Léopoldville. Mais si koyo pour na lobabiso ba indigène, to continuer ko bengango Kinshasa ni combo ya poste non. Donc Léopoldville Kinshasa ndenge to lobaka lelo yo Kinimalebo. Voilà exactement Kinimalebo ou bien Kisangani Boyoma. Hein, Boyoma ezani te combo ya kati. Exactement le même phénomène se retrouve à Kinshasa. Donc officiellement Léopoldville. Mais bon, la langage courant ça. Voilà. Mokolo na ko to pesa ki mo preuve. tozala kinango c'est combo ya orchestre et oyo Polo Kamba sala kina Brazza abenga kango Victoria Brazzaville. Polo Kamba c'est la première star ya musique ya la awana ya Congo Brazzaville, mais azoka succès makasi na Kinshasa wana Congo Brazzaville. Adepte na epe ko sala orchestre na ko mona wendo koloso wendo dans 1940 a sala orchestre abenga Victoria Kinshasa. Donc Kinshasa ezao continuer et pa ba indigène les deux villes ko kutana. Si koyo na 1966 Mobutu tango lobi tozonga na bakombo na biso authenticité ba ekolongo la kombo ya Léopoldville, kombo ya poste no ya eko mata ekomi Kinshasa. Yango la motuna na ngai pour répondre te, qu'est-ce qui a fait que Kinshasa est primé sur Kintambo alors que Kintambo ezaki cité à Liboso? Mais Kitambo est bunga Kitambo Léopoldville et Bimaki. Kombo ya Léopoldville et absorba ki Kitambo. Donc Kitambo est bunga déjà. Mais etikalaki Léopoldville comme Kitambo et puis Kinshasa koto. D'ailleurs na nzembu ya comment il s'appelle Dido Yongo. Baninga e bande kombo yo kalisa bandaka na Léodé. Kinshasa e bandaka na Kitambo, Kinshasa e bandaka na Léodé. Kinshasa ba komi ko benga on Léodé. Donc Léopoldville 2. Voilà comment kombo ya Léopoldville et bungisaka kombo ya Kitambo mais Kinshasa yango etikalaka. D'accord. Natanga yi quelque part que premier immeuble ya Kinshasa pour le Belly Rampo Forestcom inspiré nga isa immeuble Forestcom wana tout à solo isa ya solo parce que ba belle baza ko banga est-ce que ma belle ya Kinshasa et ko supporter poids ya immeuble comme isa zone marquage lelo o na pe exemple na Lingwala na lupango na bino botimoli à moins de 5 mètres maizali. Donc, balobisko to ko sala ndenge nini et on a eu ce même problème tango tonga pour venir à l'actualité, ba saut des moutons. On a eu des surprises na 24 novembre wana. Mai ezalaki à peine je crois que moins de 10 mètres de trouver mai. Alors pour na ko trouver ma belle ya bien où ko porter saut des moutons wana, il fallait qu'on aille un peu plus loin. Na société, c'est le même phénomène. On a creusé plus loin que prévu pour que nous coûte à ma belle à ma casse ou éco supporter bah saut des moutons. Donc le même phénomène se pose à l'époque. Les Belges disent ok tout ça là essaie. Yango ba eko tonga immeuble na Forestcom, il y a 9 étages et puis ba moni et simbi. Alors OK, à ce moment-là on peut continuer. Immeuble à Liboso et Liboso. Il y a Liboso et à Kinshasa, na ville à Kinshasa, na ko ko pesa même exemple, monsieur, puisque tous les gens ont un immeuble, roi Baudouin, tangu azoya na 1955, pour la première fois, roi Baudouin lobi na komi mokonzi, na kene kamem kota la, mboka nangai. Bako loje wapi, ba eko tonga moi immeuble moko zala kan face ya primature, mona moi immeuble moko zala kana, ba bi immeuble na batonga on pona accueillir délégation ya roi Baudouin na 1955. Kinshasa de nos origines à nos jours, nous en parlons avec monsieur Thomas Luaka. Sika toyeba kobanda Kinshasa et comme Léopoldville ndenge ekoma Kinshasa étendu na yango ya lelo na délimitation na yango ya lelo par rapport ya Congo central na Grand Bandundu et puis bon bref tolobela makambona nyonso 99 ans après ça sera après le journal en Lingala que va nous présenter Cécile Ngomba Kazadi. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo Central na Luozi. Bon ngai Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens étaient van. Ma décision oui, la police à Olage Bazui. Ils ont ma décision moro ya bien, faut battre ça en action, puis il faut pas ça suivre. Au cours ta pharmacie, go égalité, plafond égalité, que chaleur mieux sur moi, naïe moko pharmacie ya tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. La publicité sur Top Congo FM, appelez au 081 330 69 96. Notre mail commercial@topcongo.fm. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 10h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bokutani ya bakambi basato ya bikolo Rwanda, RDC pe Angola yango ekobanda lelo yebwe baito masolo me bakolo ya mami matali bozangi bokengi na monyele mwa ekolo Congo démocratique. Top Congo FM. Nganga ya bopito ya leta bango babani boboyi mosala lelo bo baite bango bakosala bakosala service minimum mikolo misato ndoka nina ngambo ya syndicat simeko bango babisete bamoni tina ya boboyi mosala boye soko mokete na masanga biso bokulanda moko ya baisi. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Cécile Ngomba. Mbote mingi na balandi banso ya Top Congo FM bakambi ya bikolo bia sato ya Rwanda, Angola pe Congo demokratiki bango bakokuta na lelo ye na masolo bobaite o masolo mabango bakolobela mami matali ekolo Congo demokratiki mingi penza bozangi bokengi boye bonzwami omonyele mwa ekolo Congo demokratiki nzokande bokuta ni boye yango sepelisi soko mokete bayi société civile ekolo Congo demokratiki bango babanzi ete bokuta ni mai li penza na litomba mingi tete mokambi ya kolo Congo demokratiki akoki soko mokete kokuta na ekolo Rwanda po tatali bongo kobundisa ekolo Congo demokratiki na nzela ya mapinga ya M23 zokande maloba maye mazali bongo ya Dieudonné Mushagalusa ya zali bongo mokambi ya société civile ya ekolo Congo demokratiki zokande na ngambo ya lamoka bango zali komituna penza tina ya bokutani to litomba ya bokutani boye zali nini penza kati bakambi basato lokande na ngambo na bango bango babande te Kigalinde azali bongo kopesa makoki na ba M23 pote bakoka bongo kubundisa ekolo Congo demokratiki ekolo Rwanda yango za kasembo soko mokete na yango bango babanze te esengeli ete ekolo Congo demokratiki elandela penza mambi maye na ndenge ya solo penza pote kimi ya solo eingela na ekolo Congo demokratiki tozali kokoba songa biso mokolo mwalelo mapinga ma ekolo Congo demokratiki yango zali bongo kopona tokoyingisa bato ya sika na kati ya mapinga boye baete mbala eye batie penza mokolo to likolo ya bilenge basi kobanda mibu 12 kino na 25 po ya mbala ya yambo ekipi yoko onekambe mibongo na bakambi ya basoda ya basi bango bakitaki na complexe scolaire mamba mama maza na komini ya ngaba epai wapi bakendaki bongo kolendisa bilenge basi po ete bakoka bongo koyingela ya mapinga maekolo boye baete bango bazalaki bongo na lisungi ya MONUSCO tolanda sika moko ya bakambi General Justice Chechi ya Zabongo na Elobeli ya Cyril Milando. Message toye na ngwa wezaka message moko ya recrutement ya bana basi na bana mibali. Nous insistons sur bana basi pour que basala armée. Non seulement ya école, bana basi, bana mibali ya complexe scolaire mama maza, bana basi, bana mibali ya commune ya Ngaba pour que baya ko rejoindre biso eza armée na biso, eza armée na bango, baya ko rejoindre biso na ngambo biso tozali parce que biso pe tobota maboyete, to utaka ngambo buzali. Toya koto, toya to kamba, to défendre kolona. Bozolanda ke mboka eza agressé. C'est le moment ya biso nyonso to telema. To loba non, to kota armé, to kende to bunda, to bimisa munguna na kati ya mboka na biso. Pona nini ozo ko insister kaka bana basi po yo moko oza mama. Nazo insister bana basi pourquoi? Parce que c'est une année spéciale. Oyo ba autoriser biso to recruter basi pe pour la troupe. Chaque année to recrutaka basi na mibali pona académie militaire pour l'école de sous-officiers pour l'école de santé mais cette fois-ci pour la troupe bandimeli biso to recruter basi c'est pour cela que nazo insisté na raison ya liboso ya ngowana de deux nazo insisté parce que depuis que balancer recrutement bana basi baya bazo ya mingi te c'est pourquoi j'insiste. Sango isusu etuka ya Tanganyika yangwe kukibongo kuingela na koko suya makasi ona penza ekotungisa etuka wana zalibongo mbela ya mwako ya bankumu ya etuka mei pe mwako ya bainyo sakre nda silibongo kubwaka yango ya bisete bo kwe isami ya mwakambi ya sami pomensele ya tuka ya bango one salemi esalemi na ndenge sengelite toko lantzama na mibeko te na yangwe ya bwaki mbela na mwakambi ya kolete ala ndia likambole po ite bayoto basali yango na mbano ya FCC toka ne likambole kukipenza kupesa koko suma kasi na kati ya tuka Christian Kitungwa azwa mine lobeli ya Dominique Dinanga. Tanganyika ezo kende kukufa a cause ya ba individu toza na ba membre ya FCC bao ba votaki gouverneur na biso ya Tanganyika tondima ki ango sportivement me to kondimate ke FCC ezwa ebonga ya assemblée provinciale ba bimisa ba député na biso ba otozo benga ba hero ba ba ba salaki ke zoya kende donc to kondima makambo wana te tozo mona ba ba situation grave vepem a sali telegram na ye a pekisi ba plénière vepem a bengisi bureau ya assemblée na oyo bureau d'âge et s'installa ki illégalement a bengisi bango nyonso pour que ba trouver ba voie de sortie mais to kamwa ki bureau actuel nde ekendaki le bureau en place nde ekendaki mais bureau ya bureau d'âge et boycotté instruction ya nani ya VPM mais na ndenge sikoyo tozolo bawa bureau d'âge est installé bureau mosusu et président ya FCC et ba membre ya FCC nde bakomi ba président ya assemblée na bango wana et baboy kondima makambo oyo vepe mayebisa ki bango bakende na Kinshasa pour ba trouver solution madame Julie abimisi gouvernement naye et puis a violé telegram ya vepem mokonzi mboka s'impliquer na makambo wana parce que province eza contrôlé ba o contrôlé ango e pa bato FCC mais biso to kondima te biso bato ya union sacré to kondima te. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Oh yeah. Top Congo, Ezwami na Boende, na Etuka ya Chwapa. Oh yeah. Top Congo. Na radio télé Boende 98.25 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Tous les cocos sont habitués à mon colombo les lots, mais quand il y a ma pétale à l'état, il y a mon consigne chassa, bango, basse bon cobane au boy, mon salaire ou tolé, loyer, pe bango, tel mon consala service minimum, pour un micromis sato, tocané nangambo, il y a syndicat à bingbongo simco, syndicat, il y a mingangaya congo, bango, ba, kuingel na makantima, et soko mokete, bango, ba, bisete, pour esquire moni, ata, tina yo kote, ba, kuki bongo ko lengela, boboy, mon salaire pour te blamater, et zaliko yano la moke, moke, na bosenga, minganga, dakisa, asilbongo, ko piano la na mbela ya bango mingi penza mami matali bo pesi balopete to ba grade na minganga ba ba sali mosala na mapitalo ya leta na yango bango banze teti na penza ya koboya mosala ezalite bango ba kokoba na mosala to landa tika docteur Juvenal Mwanda na za bango secrétaire exécutif national ya Simeko ya lobaki maloba mayelo biloliki olibaku le masolo mabango ba Simeko na ba panisango to yokai eloko ya yambona lina loba ete population asingi koiba ete na mokolo mwalelo ba minganga nyonso ya Simeko na ino bazwi mokano ya kokende greve te po nini ba minganga ya Simeko bazwi mokano ya kokende na ino na greve te greve ezali nzela oyo l'état mibeko ya l'état epesa na basali nyonso basali la kap soki ba moni ete mai bazali kozela epa ba patron na bango epa ba employeur na bango ezali kokokisa mate pona mai matali ba minganga na mokolo mwa lelo bosengi koyeba ete gouvernement de la république ayokanaki na ba syndicat ba minganga na mbulo eleki na mai ayokanaki na syndicat ba minganga makambo mususu esami mususu esami na ndambu mususu na ino esami te na mayenano masale amite na mokolo mwa lelo gouvernement asololaki na ba syndicat ba minganga po na kobimisa lolenge kani akosala mayenano asalite pe akosala ngo na ngonga boni Sango susu kokoso ya mai ya régie des eaux ezo mina quartier Pigeon tozali wana na commune ya Ngalema mingi mingi ba fandi bongo na balabala Congo ya Sika pepe ne ya deux princes bango ezali bongo komi le la pena makasi ba bisete ba balabala mosusu ya Pigeon jo kamai kasi bango ba zo kate ba sali poso misato na yango ba baki mbela na makambi ya régie des eaux ete bata ya likambole tolanda boko ya bango ne lobeli ya Rachel Nsio mai toza na problème très sérieux à na Pigeon avant ba bandai ko pesa biso mai parfois ba pesi bino 3 fois na semaine mais Mikolo ne se commande même sous une fois, mais ça fait 3 semaines. Attends, Mikolo mon bazo tinda souma été. Soto l'unito zana mai, il faut somba. Est-ce que Mikolo ne stuba bazala na bon? Les locaux zana ngo, et bon lobby. Toi kara kara izin. Mais tu évites ceux qui installent les marathons, ceux qui installent les marathons. Ça fait déjà un moment. Balo barato zira. Toza na surka na ngana kongwa sika. Na bavenu musu soupe. Ne bon dakuna babi mai bimaka. Bazala na mai na bango tous les jours. Mais bazala na pigeonne tibiso. Et pourquoi pas biso? Siko elo roni ne sala ikuna mai koma koto mai komate et pourtant biso tutoza na pigeon toza pena droit ya mai est-ce que mutako vivre pena sans mai ba toilette to sale la mai cuisine mai bilamba mai nyoso tout ezo tourner ka autour a mai nazolo bana ba autorité ya régie des eaux ya contrer oyo ba mettre ba moyen nyoso en œuvre pote bazong sa biso na o eza droit na biso pote zo futa quand même ba facture do bazong sa biso to vivre normal net ba nyoso nde ba vivre na ba commune mususu bazana ba mai zo bimatina ba cuisine biso ana pigeon mai écoute aux zones à cuisine et bimara koutouté na douche il faut botombola la cantine et pourtant il y a quand même quartier résidentiel et puis sous peut être kokoso ya mai on a ezomi bongo na na STP na mapango STP kuna na ngumba monene to na ville ba yange des ba société ba société mai ezali bongo na nyongo na yango ba sili bongo katela bongo mai pote ba senga ki bango ba bana ko futa tanda mondambo ba futite na yango ba zumo kam na ko kata bango mai pote yange des ezali na bosenga ya makoki pote ko kakosoma mino ya ko bongisa na yango mai wana ezali bongo maloba ya Jean Bosco mwaka ya ezali bongo mukambi ya régie des eaux pona ngumba mukonski nchasa to yokai biso tozali société commerciale lokola bango pe soki tozali na mbongo te tokosoma bakisi ya kotia na mai te soki tozali na mbongo te tokofuta ba travailleurs te bazana nyongo na biso ya près de 3 milliards 800 millions to yebisi bango ke bafuta biso ne fis ke 300 millions ba diskite ba bike to kuna ko koma ta na ba 200 millions to ok bo futa biso me banda to yokana ki wana bazo futa te yango to kati mai parce que tozali na obligation ya kopesa ba moi ba moyen pour ba somba ba kisi ba sala nini de manière à ce que compagnie tambula oubi ke mai ezabo moyi alors ce qui le lobo to pesi mutu mai te c'est un crime contre l'humanité oui bien bon alors na ko ninga tena petit sa pesa mutu mai parce que il y a un client qui refuse de payer ce que bien se vous avez ndeko ya portefeuille ya ta boko yo na tena ninga na bino trouver likanisi moko boye pona ko lembisamo moke non mais biso to zela entreprise ya l'état lokola la bango to kuta na ka na portefeuille tous ensemble mais le problème est que l'eau c'est la vie pour donner de l'eau à la population il faut des moyens Motuna na mbala moko, bayimbo ka babeleli na bayebazwa ka mikano, mikolo miso, moko ya bayoka kotuna motuna na bayebazali na biyano, 085-210-11-11. Motuna na mbala moko, lolenge na bino ya sika ya koye baba nsango. Boko tchana na ndako ya honorable papi mantizulu, na bengi ya pati ya kasi centre na sekteri ya Wombu. Honorable, na 2018, oyaki na sekteri ya Wombu, utofutaki yo makasi. Metumona ka olanlagaka antrenche ya njila luwozi. Mebiso na sekteri ya kasi na njilo kinati kasi chiki Wombu bakote nyo zona, tuna njile za kubeba makasi. Me papa honorable, tu atako olanlakute wa banole biso jiske dialogue njela ekomi akobeba miti fwa sukota te toki ozola la biso te na 2023 okoya susto fote yo bendenge nini na kasi bangonde basala kinga pona mbala liboso na koma kobenga ma député national parce que bapona kinga na ndenge ya solo penza pe na yebi ete nzela ya kasi centre ti mukimbungu ti na secteur nyonso ya Wombu eza kobeba makasi kutu pont pe ete ndenge nazwi ba information ekweyaki ezo permettre kutu accès ya bakamion kuna te et surtout ke ngambo wana ezali penza kote kutu kuna biloka kolia euta kamingi me na ndenge na zoso ala yoneko na zali na matadi na uto za na diete provinciale office route kuna ndenga ina eto tali ba axe nyonso o bango ba chaki na projet na bango ya ko réhabiliter pour que permettre ngai na kende ko défendre yango e pa ya directeur général ya office de route mais e pa ya directeur général ya foner mais aussi e pa ya ministre pour que ba ko ko prioriser banzela wana o eza na importance capitale pendenge lolenge moko pe na lobeli na kati ya banzela wana kaka baki ya kinganga oyo ndenge ba yebisinga ke eza na problème ya verin izo ko coûter plus ou moins $24,000 pour que ba réhabiliter bako wana masolo yango te uti osola directeur provincial pe na okomo na Kinshasa pour que na landela ngo pe na kotia Top Congo oyeza chaîne oyezo permettre base et atteindre biso à témoin pour que baye ba suivre au tosala Papi Mantezo ozali député national ozeli kaka motuna auditeur pote o ozo a responsabilité na yo avant motuna na yo nazo sala déjà ba démarche wana il y a un fond pour ba bengaka fond national d'entretien routier et dans ce cadre là que nous allons n'est-ce pas actionner fonds wana à travers le ministère des infrastructures pour que Congo central a bénéficié na mbongo wana et que nde ezala orienté nanzela oyo to utikotanga Motuna na mbala moko bayimbo ka babeleli na bayibazwa ka mikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na bayibazali na biyano 085 210 11 11 Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Sango ende sukisi sango alelo topesi matondo mingi na John Konde na shwanki biso na zaya masini 5 éditions 18 bulletins d'information Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080-812-0-812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. La publicité sur Top Congo FM, appelez au 081 330 69 96. Notre mail commercial @topcongo.fm. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Allô? Mais c'est Mick! Maman Kalanka! L'attendant masque va. Yepa, coronavirus, maladie yambi. Somabo, somabo. Tubi la bo. Amfumu metuba, Songabo. Ninganga metuba, Songabo. Coronavirus, Songabo. Nyoka yambi, Songabo. Benuke bayani, Songabo. Virus yambi, Songabo. Yoke fwa bantu. Kosu kosu ke manave ba fievre, tintu pasi nge mona munganga, Songabo. We mona docteur, Songabo. Songabo, Songabo. Tubi la bo, Songabo. Amfumu ketuba, Songabo. Minganga ketuba, Songabo. Benu vanda na banzo na beno, Songabo. Coronavirus ke ya masonga bambwa make fwa ba pauvre mpeke na kufwa bamindele ke fwa bandombe peke fwa bana fwete ke fwa bambuta peke fwa benu keba keba keba na coronavirus banda na zonange banda banda banda na zonange ubashi na pama pama be banda na zonange ubashi na pama pama be banda na zonange ubisa maboko nasabo nasabo nasabo Na poubelle, na taxi bantu tatu kaka, na taxi bisi bantu kumi kaka, kufina na fina na feo, kutambula tambula pamba fe, kukangama kangama pamba fe, na bis bantu makumi zole kaka. Kukashika pamba pamba fe, kukangama kangama pamba fe, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, Lokuta corona, pamba, banana zonange. Namputu bantu me kwa mingi, banana zonange. Awapi bantu ke kwa mingi, banana zonange. Ngempangi fanda, fanda, banana zonange. Kutika maboko, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon, savon. Top vert. Votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus D53 81 920 03 687. Top Vert. Votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iragui. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Maele Mabulungani, Top Dilem, Isaliwa Nampona Kusungayo. Isala normal, ma fanda, ma soulula, Isali Kamute, et comment la famille pour la madine. Donc, maman, fais très attention dans les Kamouyo. Mission et maman Oyo, Isa Mitumokoya Salité, Kosala Yamote. Top Dilem, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h15 à 17h55. Colonion So, Kubanda, Mokolomo lundi, te Mokolomo vendredi, Nangonga 16h15 te 17h55, et Lingelamite, Bongisami, Narachel, Insiwe. Bonjour, je Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision, oui, la police est à Olage Bazui. Ça va, décision, mon roi, il y a bien. Il faut battre ça en action, puis il faut voir ça à suivre. Au cours de la pharmacie, il faut égalité, plafond égalité, et puis chaleur mieux sur moi, il y a mon pharmacie à tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. La ville de Kinshasa, de ses origines à nos jours, ville ya Kinshasa, Kobanda et Banda, Kino, Lelo, yo Kinshasa, yo Kokisi, 99 ans, et Kokisa qui yango le 1er juillet 2022, en tant que capitale, ya Mboka Nabiso, et à l'époque coloniale, Kino, Lelo, mais Kinshasa, vous savez qu'il existait avant Congo, toujours le bel yango. Et longona monsieur Thomas Luaka Losenjola, azali passionné à histoire, azali député national, plusieurs fois ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, mais lelo a une casquette naye, il est passionné à histoire. Il est important de le préciser parce que mission Nabiso Zara social et mission Nabiso toza na posa ya mituna te par rapport à la vie politique naye. Tozo lobelande histoire ya ville ya Kinshasa. Monsieur Thomas Luaka wa ko sala biso honneur, je l'espère. Yakoya pe ko partager na biso mai ayebi concernant histoire ya Congo. Po ayebi si biso na bande de émission ki azali passionné à histoire ya Congo, atanga rapé animara ba conférence mingi concernant histoire ya Congo dernièrement zaki na UCC, à Université Catholique. Oui. Oui, pour na kolobela lisolo ya ba relation na biso na Rwanda, tout à fait. Notamment aux akipe na Chobeuse, hein, Chobeuse na IEC, aza conférencier par rapport à l'histoire ya Congo lo baramingi to sepela pe mingi o ya kokabwa na biso expérience wana dans la mesure du possible. Avec plaisir. Merci mingi. Alors, tozongi na Kinshasa, Stanleyville aye à découvrir à Kekutana. Na Ngaliema a créé ba cité mibale liboso nanu Kintambo oza lelo na place ki ya Kintambo magasin comme ki Leopoldville et puis Kinshasa et puis entre-temps Kinshasa est comme Congo est comme état indépendant du Congo to comme colonie belge na 1885 capitale Vivi puis capitale Boma de 1886 à 1923 et au coma Awa na Kinshasa 1923 et pour des raisons où expliquer biso et tobanda ko lobela origine na Kinshasa tinyo so e au coma Léopoldville et après. Mais Léopold. Avant, peut-être comme à Léopoldville, tout est mamouké en 1930. En 1930, donc, la commune. Obakobengamboka Léopoldville, Autobi cité ou Namibale. Mais cité Mitsat Mususuko Bakisama, en 1930, Tozali na commune à Kinshasa, Barumbu, na Lingwala. Wana eko Bakisama, mais essentiellement, ba commune, bazali ko héberger, batu ya misala, ya société Mitsat Zalaki na Congo, awa, ezali société Chanik, société Itex Africa, na société Filtisat. Filtisaf, yango mona kana kitambo quartier moko ezali babenga kango Kaitex Africa basala kango na kitambo pona kotia batu ya misala obakenda kusala na Itex Africa pembeni. Wana cité ya misala to ego ko se créer na 1930 eko bakisama. D'accord. Et puis na 1950 to eko koma na Matete, Lemba, Nanjili, une partie ya Njili, ba cité wana misala to ba créer ngo pona nini en particulier ezali pona ko loger batu ya misala oyo bakubanda kokende kosala na cité industrielle ya limité to benga kon le lo quartier industriel ba usine ezalaki wana il faut ko loger batu ya misala wana yango basali Matete, Lemba na Njili. Mais ezalaki ka réservé na batu ya misala wana te na pesa pona moi comparaison ya niveau de vie papa nanga moko bapesa nga masolo mingi ya Villa Kinshasa na PC Pembote comme on a papa Kalonji. Papa Kalonji ayebisinga ye na 1958 azwaki tango batongi Lemba batongi na Bandal ezanga ki batu wanda okende kolinga kofana banda kuwana te il fallait administration coloniale esa la campagne makasi ya sensibilisation ba condition ezalaki nini ndako na ye papa Kalonji azwaka na Lemba babane kosenga ye 1000 francs ya caution au tiki 1000 francs et puis wana misusu obanda kufuta ndamu 1000 francs à l'époque représentait quoi mutu ya musala salaire moyen ya congolais et bané ko varier entre 1000 et 1500 francs congolais ya époque wana donc soko pesi équivalent ya salaire nayo ba pesi onda kuna Lemba to ba pesi onda kuna Bandal et puis le reste ro bano futa nyongo selon ba capacité na donc colonisateur atongi ba cité atongi bandako mais bato bazo yate bato bazo yate ba indigène bazako yate il fallait ko sensibiliser bango ndako ya moins cher banda ko senga bango caution na lobi ya 1000 francs o ndako ya munene ezala ba chambre moins ebele net na Bandal ya katikati wana banda ko senga bango 10 000 francs ya caution. Merci mingi. Alors tozongi na Kinshasa olobi ville s'étendre ba sali nzela ba sali chemin de fer et tout ça tolobe la monoko et banda ko lobama na Kinshasa parce que soko si ndengo beteli biso li solo. OK. Je ne pense pas que natango ya koko ngalema, natango ya koko ntambo, natango ya koko ntsasa, natango ya bateke wana, babanda ya kuluba Lingala. Ndenge nini Kinshasa, Lingala eye ko s'impose makasi. Au point que koma penza lang parle ya elboso na ville ya Kinshasa. Merci Ndeko Thierry. Peut-être pour na ko permettre ba auditeur na biso balanda biso malamu soko ko ko permettre na tika na sili sana no episode ya ndenge Kinshasa ezo kola comme ça soit aussi je vous en prie. Na 1957 awa na Kinshasa tozali obabengaka 11 communes tozala ki na 11 communes na ba zone annexe ba 11 communes wana ezala ki nini ezala ki Kalamu, Dendal, Saint-Jean, Dendal yangwe koma kasavu lelo, Saint-Jean yangwe koma Lingwala, Ngiringiri, tozalaki na Kitambo, Limete, Wanande, Limete, Bandalungwa, Léopoldville, Barumbu, Léopoldville nde, et koma ki Gombe, na 1957, Gombe banao benga on Léopoldville, et puis komina Kinshasa na komina Ngalema. Ba zone annexe, ou bandeko benga zone annexe, ezalaki Lemba, Mbinza, Makala, Kimwenza, Kimbanseke na Kingasani. Pona Mbinza, Mbinza zaki zone. Zaki zone annexe. Zone annexe. Zaini mwa ba village mwa kubwe, banda ubengwa ba zone annexe. Et puis na 1968. Marcel Atouni Motuna. Pourquoi on est en zone annexe? Parce que Zaki. Un peu la zone périphérique. Nalo baniti banlieue. Zaki na kati benga Kinshasa, Zaki na banlieue. Na 1968, tango mbuta zubo konde na 65, 66, et komi échangé kombo Léopoldville et komi Kinshasa. Na 68, ba eko pesa Kinshasa, statut ya province, ya région. le col à la région Moussoussou, yango le loto benga Kinshasa, ville province. Ezali ville pe Mbalamoko province. Les bosses ezali nano ville. Ezali ka ville. Ezali kozo statue à statue à province na 1968 et puis 10 communes eko bakisama na 68. Poto koma na 24 à lelo. Ba commune ni no ne bakisami na 1968 Bumbu, Kimbanseke, Kisenso, Makala, Maluku, Masina, Mongafula, Ngaba, Ntsele, na Selembao. Voilà les 10 communes. Et Bakisami na 68, ndele loto, kanga chiffre, yana ya 24 communes, tozanango. Oui, Selembao. Selembao, c'est le nom d'un commerçant, un ancien esclave. Azaka Moumbu. Moumbu a sali a sombi liberté naye. Moumbu, patron, Azaka Ngulumingo. Ngulumingo, c'était des marchands d'esclaves. Entre autres, si on soupçonne, babenga ke trafiquant et que, en réalité, babenga ke trafiquant et que, esclave, Ngobila. Ngobila, c'est un grand trafiquant de ke, ou appelle ça comme on a bichi Ngobila. Donc, Ngulumingo, c'est un esclave, n'aimo ko comme on a ye, Selembao. Ça n'a rien à voir avec les. Non, ça n'a rien à voir avec les gouverneurs actuels. Donc, Selembao, en attendant, a sombi liberté naye, a se lancé dans le commerce, a s'enrichi sa ki, a koumé moutoumouné, na wana Kinshasa, tango a koufi, ba belge, ba kundiye, na simaya. Clinique Ngaliema, cimetière Nezatile, l'osso bozana tant, balaba le eke hôtel du fleuve, et après, et si kamwa tante zalia ba policier, botuni bango ou laxabino, et si kaba kunda Selembao. Donc, Selembao est à combo ya moutou, ou ba pisan. En hommage naï. En hommage na Selembao. Deuxième combo naïbi, Lemba. Lemba est là qui combo ya chef Lemba, un grand chef qui était ici à l'époque. Be mami souswana naïbi est origine nangote. Merci. Alors, tozonga la monoko, hein, dans quelques secondes. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Alors, parlons de l'origine à Lingala. Ok. Monoronini Baneko Lubama Tango Stanley Ayaki. Si les lois Lingala vous imposent des nina Kinshasa. Ok. Ndenge tulobaka toza katsa à peu près plus de 400 tribus na Congo. Ba 400 tribus na chaque ekolo ezana monoko nango balobaka. Siko imagine ke batu 450 tribus ba ko communiquer ndenge nini community tour de Babel. Siko yango na Babel jitango ba komi ba décider pona ko faciliter enseignement. Ba eko décider ba kati Congo na 4 zones. Quatre zones où on a imposé quatre langues. Les quatre langues étaient déjà parlées. Bah, qu'on imposait on a dégagé un niveau de classe. École primaire et qu'on bande à côté ma na l'une de ces quatre langues. Bah, quatre langues ango zalini ni tu es bien ango Lingala. Lingala ezali langue où ezako permettre bateau na Kinshasa to benga ka Bangala. Pour se comprendre. Sinon, tu vas se comprendre. Te. Mbaka soka ko solana ngombe, bako yoka na te. Ngombe soka ko solana mongo, bako yoka na te. Ngombe soka, mongo soka ko solana mungwandi, bako yoka na te. Bazali oblige ba lekana munoko moko bazali ko partage, munoko nande Lingala. La langue commune, la langue de communication. Ba impose Lingala na Équateur, na partie ouest ya province orientale. Ça, c'est la zone lingalophone. Donc, Lingala, c'est mon tribu, mon ethnie, mon côté. Et quand mon côté na Congo, c'est na Lingala comme langue, mon nom est Mboka. Exacte. C'est la même chose na Swahili. Bazu pe ba imposé Swahili na Est. Kuna Swahili pe Utuapi, ezali ba commerçant arabe. Oba bandeko ya na Est ya Congo kuna. Bako lo ba ki arabe na bango esangami. Esangani na ba langue bantu. Eko pe sa Swahili. Donc, syntaxe ya Swahili. Ezali, c'est une langue bantu. Vocabulaire, nangwa en grande majorité. Ezali, vocabulaire arabe. Donc, epe si Swahili. yango na ba imposé en est na Kasai, le grand Kasai ba ko imposé Chiluba. Et puis to ko koma siko awa na ouest na otoré obenga ancienne province à Léopoldville ba ko imposé Kikongo l'état to munu kutuba. Donc voilà les zones Yabalang. Sikoyo. Ah oui, Zaki, Kikongo l'État. Kikongo y'a l'État. Kikongo y'a l'État. Influence y'a Royaume Congo. Exactement. Influence y'a Royaume Congo. Ben, y'a imposé Kikongo à l'État. Parce que la majorité de la population, au Bakuta ki awa, bazala ki ba né Congo. En particulier, les Umbu. Les Umbu sont des né Congo. Mais Sikoyo makambo kwa ko évolué, lingala petit à petit, et qu'il y a s'installer, pe ko dominer Kikongo en ville à Kinshasa, à la suite il y a ba facteur misato. Facteur ya liboso na ko koloba ezali après deuxième guerre mondiale. Ba congolais ba uti bitumba, ba longi bitumba minene. Par exemple na Éthiopie, ba beti ba italien na mboka ba bengi Asosa, Gambela, Nasayo. Bazungu ya bazali ba hero ba ba misusu ba uti Nigeria bazaki na Lagos ba musu ba uti Egypte ba misusu ba uti même Palestine les militaires congolais pendant la deuxième guerre mondiale ba kené ko sala ba koma kiti na Palestine na Jérusalem ba misusu ba uti Birmanie tango ba ewa baza ba hero ils sont honorés par la population munoko ba koloba la langue officielle na armée na biso ezalaki Lingala ba soda ba koloba Lingala et comme ici ko à la mode pour la ligne Jeune ou alingaz à la branche, il faut le bas, monoko, basoda, basolo, parce que babimine ti baza, ba éveillé, ba outipoto quoi. N'est-ce pas benga diaspora, l'élo, mais à l'époque, on a, ba parisien, mais y a basoda, si quoi. Donc, bakoloba, lingala. Pona nini, monoko, na armée, na biso, zagi lingala. Ah, au départ, monoko, armée, na biso, zalaki swahili. Pona nini, parce que Stanley, tangu aye, na ebisibino Stanley, a outaki na Tanzanie, pour à traverser Congo mais ayaka yemoko te imaginez na ba 1800 na mundele kaka yemoko azoya boye ako se promener à traverser Congo et cela qui risque munene Stanley ayaka na 200 tanzaniens à l'époque bana obenga ba Zanzibarit ba habita Zanzibar les 200 militaires obaza ko accompagner Stanley oba traverser pe Kinshasa wa babande ko loba swahili Tango Stanley a komi na bomu a eko zonga pour la deuxième fois na mission sikoyo Leopold a PCA a ye na ba Tanzanien wana o ba zalaki ba survivant a baksi ba misusu bango les 200 Tanzanien wana nde oko ma noyo ya force publique to noyo ya armée na biso banana ba Tanzanien baza ko lo ba soye genèse pena origine voilà. Armée na biso banana ba militaire étranger ba militaire étranger et pe tango ba Tanzanien ba ye ba belge pe dans un premier temps babande ko recruté ba congolete ba ko on les appelait les volontaires de la côte ba Sierra Leone ba Ghanaien bangonde bazalaki na origine armée na biso siko problème e ko se poser ba ancien militaire ya ngongo lutete o bazaki na kati ya armée babande ko lo ba pe swahili ba e ko tomboka ba benga ko la révolte de batete la ba bimisi mobulu ba bomi ba mindele ba mindele ba e ko décider ba changer zone ya recrutement ya ba militaire congolais Il ne prenait plus les Baswahili, Bakomisiko Kozwa, Bangala, parce que découvrir les tribus Mokona Équateur, qui sont très très guerriers, une tribu guerrière, et Zali Bambunza. Des Bambunza, Bayo Kotan Armée, Bangala, Bandiko Kotan Armée, langue paix à communication, et Eko changé, Yangona Armée, Tile Loyo, langue officielle, comme Lingala. Donc, Malembe Malembe, tant que héros Nabiso, il y a première guerre mondiale, Bazongi, ba komi baza célébré na mboka na biso awa na Kinshasa ba komi ba modèle et tout ça loka ba bandai ko loba lingala puisque koma ki langue ya armée deuxième guerre mondiale première guerre yango wana lingala ekomi ko s'imposer malembe exactement deuxième élément oyé ko favoriser lingala Ezali ke Lingala ezali ba missionnaire catholique. Ba ye ko banda ko assurer enseignement pe na Kinshasa wa contrairement à division nenge salamaki ke Lingala il faut botang sa kanko na Équateur ba missionnaire ba bandi ko tang sa pe awa na Kinshasa na Lingala. Donc Lingala pe lokola bana bazoye ko la ona classe et comme il ko s'imposer troisième facteur ou ye ko pe sa makasi na Lingala elonga Kikongo na Kinshasa ezali musique. Musique na biso bayembaka na lingala alors batu po balinga ba comprendre. Malobo ezolo ba makati ya banzembo bazaki na biso ba comprendre ba ekola lingala. Donc voilà les trois facteurs o esali ke leloyo lingala et longola complètement Kikongo na Kinshasa complètement. Non, il y a quand même moi ba zone ezo résister hein. Na Bumbu, na Selemba ou dans certains quartiers Kikongo ezali ko résister, mais en grande partie Kikongo e bunga na Kinshasa, lelo lingala landi ki Kikongo tina matadi, na centre-ville ya matadi ba koma ko lwa lingala, Kikongo koma na ba périphérique. Olo bagi na ngai d'ailleurs na interview à la fois dernière que pona la ki Kikongo mutebanai ko lubama na Kinshasa na ba panneau misusu na ba commune. Oui, ba annonce il y a ba chemin de fer. So sa ko tamba na chemin de fer ba misusu ici ke tikala o komona ba tia ba panoma opona ola ba komana minokoka mi bale passage interdit nzilantiku na Kikongo election nzilezate. Donc communiquer on ezana lingala te parce que ba tu ba ne ko ba ka Kikongo na français. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Alors, photo pesa Kinshasa, Kobanda, origine n'angoti kine olelo, sujet tozolo belanande kotoma loaka. Naibite, olobeli miziki yawa, parmi ba facteurs et vandisi penza lingala. Na ligne to fungola moi parenthèse moko avant to pesa bato parole sur musique ba orchestre liboso tanga ki orchestre Victoria Kinshasa ya Wendo Kolosoy ba orchestre liboso to yo karape o ke jazz o ipsa biso ele kisi nini comment enfin lobela moi musique na influence d'ango na Kinshasa parce qu'à la longue même l'histoire de l'Afrique, l'histoire musicale de l'Afrique reconnaît Kinshasa et le Congo comme l'un de ses berceaux pratiquement. Tout à fait. Et musique na Kinshasa en tokoy koloba il y a un grand musicien qui commence à faire la musique azalaka kosa na Kinshasa mais azalaka originaire à Congo Brazzaville. Comme on a Paul Kamba. Atikala na histoire comme Tata Polo Kamba. Polo Kamba nengi toloba ka salaka orchestre na ye, Wendo ayeko sala groupe na ye. Ba benga on Victor à Kinshasa ndenge to uti komona mais mutu ya liboso ayeko sala uto ko benga orchestre moderne ezali Joseph Kabasele ba yebi na kombo ya Grand Kali. Joseph Kabasele azali nani? Azali neveu ya oya ko koma Cardinal Malula. Cardinal Malula pe moi parenthèse muke et pa ya baluba Malula tata na ya azali Muluba, mama na ya azali Mongo. Mais comme on a Malula ba yebi yango te. Baluba euti wapi? Euti kitango ake komikomiksa na classe. Papa wana ya Belge, azana difficulté ya kokomangalula. Avec les ngala ya ba biso totanga nganga, olia komangalula akomi Malula yango na petika la kombo ya cardinal Tilo. Donc mazwa kombo wana suite à déformation. Déformation na école. Comme les ngalula. Joseph Ngalula. Joseph Ngalula comme Joseph Malula. Donc neveu naye, mwana ya sœur naye, Joseph Kabasele nde mutu ya liboso asali orchestre moderne awa na mboka na biso. Kombo nango African Jazz. Mais sikoyo peut-être moi détail moko pona African Jazz wana. Jazz oyo biso tolobaka na Congo, tolobaka ngona lingala. Po er moko ba mindele soka yo ki African Jazz, akoyo kanisa toko beta musique ya jazz aux États-Unis. Non, jazz nabiso elaki jazz wana États-Unis te. Jazz nabiso ezali na lingala jazz elaki si ambiance. Hein, tokene ko jazzé. Donc tokene ko sala ambiance. Africa jazz elaki si ambiance africaine. Yango na siko tangu ya sala orchestre na ye. Premier orchestre na 1956 papa Dimitriou akoya pe ko décider ba tenir ba musiciens aki na bango ba ndeko beta na bar moko ba ndeko bengango OK bar chez Cassien. Ok bar ba yeko sala orchestre na bango et pe ko zo kombo ya bar wana bar ok bar orchestre pe salami komo nango ok jazz. Donc voilà, voilà. Origine ya kombo ezay kombo ya bar de ko tira pa ma mbisa musique mais to lobeli ba kambia li bosote ya ville ke mboka ya bisu ya Kinshasa parce que ti le lot ko ma ba gouverneur ti jusque là ibana ki ndengeni pe mo kambia li boso kombo na ezala kina. Ah mo kambia liboso ba kombo ba gouverneur ya Kinshasa na ibango te mais système tozala kina ngwa l'époque coloniale tozana gouverneur général. gouverneur général na koyeko loba système anglais est un peu compliqué. Mokondi amboka na biso. Ezali roi ba belge. Ba bengi roi. Azovana na Bruxelles. Siko tango Congo yokoma Congo belge. Gouvernement belge na kati ya chaque gouvernement ba ko nommer ministre moko ba bengi ministre des colonies. Yende atala kama kama na biso ya colonie na biso à l'époque tozalaki Congo biso moko. Tindenge ndende ko tiré yebi na 1925. Tu es kokoma na Rwanda, Burundi, Babaksi et comme na kati ya Congo et comme 7e province. Donc ministre wana atala makambu ya Congo belge Rwanda Burundi. Mais sur place awa toana mokondi munene kombo na ye gouverneur général. Gouverneur général ana azape na ba gouverneur ba province. Donc Kinshasa pe ezaki na mokonzi nango seul kombo na retena parce que asalaka ye muta pekisa ki manifestation ya Bako na 1959 ko ebilisa ka mobulu kombo na ezalaka monsieur Tordeur ndezalaki gouverneur ya ville ya Leopoldville. D'accord. Et bon après colonisation parce qu'après enfin après colonisation tozu indépendance oui na simana yango ezali ba konzi na biso moko nde batu bakoma ko nommer ba gouverneur to ba nommer. Non, système biso to adopté na 1960 na loi fondamentale na biso ou ezala ki constitution na biso en fait étant toke ko négocier indépendance to négocier tozu indépendance mais constitution toza na ngote parlement belge est adopté loi moko bo elobi provisoirement na ezala constitution na bino mukolo boko zwata boko sala constitution na bino moko loi na ba belge ba pesa biso ba bengango loi fondamentale système ezala ki nini président de la république gouvernement na premier ministre président de la république a président ka conseil des ministres était mokondi ya gouvernement eza premier ministre et puis na parlement ya deux chambres ba député na ba sénateur et puis na niveau siko ya se tozali na ba province six provinces yangona drapeau na biso ya indépendance o le koma drapeau ya palou ezali na 6 étoiles na mupandi chaque étoile eza ko représenter province moko province angonini Léopoldville. Léopoldville na 1960 ezali na sens mibale ezali province ya Léopoldville et la kisi ville ya Kinshasa Bandundu na Congo central nyonso ezaki province moko babengi ngo Léopoldville sens ya mibale c'est la ville même de Léopoldville. Donc voilà Sansouane. Deuxième province, Équateur. Troisième province, province orientale, les Grands Kivu, Katanga, na Kasai. Voilà six provinces de Zunango. Chaque province est un gouverneur. Nango. Gouverneur, comme après élection. Toke na ba élection, il y a 1960, gouverneur Yaliboso, il y a province, il y a Léopoldville, babengie Cléophas Kamitatu. Pona nini Cléophas Kamitatu chile loyo, batu ya palu babenga kae traître, ezalaki pona 1960, Antoine Gizenga, azalaka na ambition, yende azalaki président ya parti, parti na bango PSA, hein? Parti solidaire africain, yazalaki président, Cléophas Kamitatu azalaki président provincial, ya Léopoldville, ya PSA. Mais sikoyo, tango bake, a élection esili, babimi ba député, si quand on va na président parti alinga comme premier gouverneur à ville à Kinshasa, président provincial Kamitatu, yende azaki na influence ko leka Gizenga et pas ba député provincial. Ba député provincial ba pona Kamitatu gouverneur ya province ya ngona Gizenga ya président parti. Au détriment ya président parti. Parti donc ba député ba poni président provincial, président Siliki ba bebani et puis Lumumba Amonique Kamara naye allié naye parce que PSA est allié à MNC alobi ndeko yoko yoko tika la libanda te yango wana Lumumba akoya konome Gizenga vice premier ministre na kati ya gouvernement naye donc Cléophas Kamitatu mutozali gouverneur ya Liboso post indépendance ya ville ya province ya Kinshasa. Merci mingi ndeko tomaluaka moi to si ça sujet en une émission zate sinon te batu balobate naibite soki quelques détails ya robakisa sur ville ya Kinshasa ezali ni ba kombo ya ba balé stratégique aéroport Andjili bato balobarango mingi ba kanga biso na bisika muso mona aéroport Andjili ezana Andjili te ba pesa yango kombo aéroport Andjili pour nini li solo ya ba kanga zala penza na moi voilà non peut-être question est ko intéressé biso lelo parce que ça a un impact sécuritaire ezali le kambu ya kanga kokolo Gombe, tango basali Gombe Kalina, ba Belgi tango baye basaba paya, balingi, ba kreye site moko o bakoyeko se protege facilement. Yangwana ba kepembeni ya mai, basali Kalina. Kalina na sima nango eza mai, donc mwebo atake bango na sima ezate. Alors tango basali Kalina, balobi me ba indigene mukolo bako tomboka parce que ba kogi upe ko tomboka baza mingi te bango ba autochtone ba indigene tango bako tomboka toko sala nini toko kimisa ba famille na biso na Brazza donc il faut ba katsa fleuve mais pona okatsa bango Brazza toko za na besoin ya temps tant wana toko zongo ndenge nini alors entre nyonso ya Kalina ba s'organiser pour ba installer camp militaire moko soki outi na magazin kitambo kama ko ezalaki esika nzokwa na azali mwa kama ko zakia na chanique eko bloqué bato bazau ta na magazin kitambo po bakota Gombe soko outi na kitambo hôpital kitambo kan kokolo ekobima ekangi balabala wana avenue de Loya bako bloqué population outa kitambo place wana soki o déplacé au KP 24 population ko outa bandal po ekine ko Gombe kan kokolo ekobima na 24 wana e bloqué bango toke plus loin soki population ya lingua la côté kuna baye quand Lufungula bakobima une petite parenthèse Lufungula sergent Lufungula le premier noir au grade ya sergent na force publique comme on ezaka Lufungula eza tata ya botinga donc oko na ngai na kangi parenthèse wana soki sikoyo na côté ya poids lourd batu auti bakinga bwa po bakota Gombe ndolo na flambo ndole kobima na flambo et bimi pe na se ya pon wana ekangili ngwa donc voilà les camps ont été positionnés pour protéger les résidences ya ba mindele na Gombe malheureusement 62 ans plus tard ba mindele bakeyi ba kolo bakeyi logique coloniale ya Gombe ezaka en place les lotos se retrouver na ba camp na kati ya centre-ville alors que camp ezali chargé à co défendre objectif. Lelo to ebi ba menace militaire sérieuse au Ezapo na ville à Kinshasa, la grande menace pour Nabiso en cas ya bitumba ezali Angola. C'est les Angolais. Mais to ebi ke ba Angolais bakoya nzela nini? Bakoya nzela route nationale numéro 1 nzela ba normalement quand kokolo il faut que nous ayons la bango kuna na mbanzangu il faut te renforcer banzangu onde ko telemisa ba Angolais tant bakoya ba attaquer Kinshasa. Donc en clair, il faut revoir la stratégie. Il y a une planification de camp militaire. Exactement. Deuxième menace, ce que vous dites dans l'Est, tout le monde qui armé ce que vous dites dans l'Est pour attaquer Kinshasa et Olekawapi et Olekana Kenge, le Kolaf de l'Eyaki. Donc il faut que Tonga, quand mon aîné, côté à Kenge, donc il faut Kenge, Nambanzangongo, Bakan, il faut Bimana centre-ville, parce que les lots Bakan se retrouvent dans centre-ville. Déjà, les soldats angolais, ceux qui sont dans Badiadingi, qui sont dans Ipen, ceux qui Kinshasa, c'est quoi, quand Kokolo, et que service sur le loco côté. Donc voilà, il faut bim sabaka ekene na kenge ekende aéroport, na banzango aéroport nazana explication ya kombo ya appellation anate mais ce que toye baka aéroport ya liboso ya Kinshasa oyo avion ya atterrir ezali balabala e o esika palais de la nation ezalelo palais de la nation ezala kite ezala ki aéroport avion kiti wana aéroport ngwe bandeko continue o leki liboso boulevard na leki deva fonction publique tina o leki affaires étrangères tina palais de justice axwana ndezala ki aéroport ya liboso ya Kinshasa na 1942 baiko déplacer ngo baiko sala aérodrome ya ndolo ndolo pe pendant un moment ekozala occupé na ba militaire américain o baiki na tango ya bitumba tangira biso nanu pardon les 11 premières communes à ville à Kinshasa peut-être aux réponse il y a les aéroports les 11 premières communes tozali na Kalamu Dendal Kasavubu Saint-Jean Lingwala tozali na Ngiringiri Kitambo Limete Bandalungwa Léopoldville Gombe Barumbu Kinshasa na Ngaliema ah d'accord bon enfin Bref. Parce que na tout notre historien moi quoi il biso que à l'époque ndili zaka ngambo wana kuna nyonso zaka ndili. OK. Yango wana lokola référence à ma ndili nde ba pesaka kombo wana parce que ba commune misusu zaka. Non, c'est possible. Na bisi bino tomonya en commune angalie mezali mais mbinza ezala ki considéré comme zone annexe. Donc, la reconfiguration, c'est la maquille avec les. Merci, Mingi Ndeko Toma Louaka. Alors, aux la commentaire, il y a que ça, là, Motuna et Rotuna, 089 44 44 471. Au repère, au Ben Abisso, na Skype, Top Congo FM, identifié en Abisso. Allô, bonjour. Oui, Mbote Nabino. Mbote Ndeko. Et ça, papa, là. Toujours, Kayo. En tout cas, na sepela ka makasi na ndeko na biso tomalo waka po ma histoire na ya pesa ya je connais le Congo et ça la vraiment na bien kolanda ya makasi mais pour ça parlons ça motuna na ko ko tuna yebo e abeti histoire ya rompre force comme na immeuble wana et la dit premier immeuble ya ville ya Kinshasa oui mundela banga ki tout katali ke mai za kinase à moins que le terrain soit marqué, mais donc, les titres sont préférés qui passent à la INEC. Mais tout le monde a deux questions, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Il y a Azaki, ministre ITPR. Pour la recorte, en tant que je connais le Congo, il est difficile, parce qu'il y a quand même une matière qui je connais le Congo. Et là, on est ça là qui est, M. Thomas Lewaka, en tant que ministre, bon, ba mais la vie son matière oh à benga le col à zéro pour na foutre directement à temps ya kalawana mandiré la kitoko à l'obi la vie son que bon on constate que qui a venu l'université et c'est une nouvelle technologie y a moi mais la vie son zéro oh la qui a fluidifié le long modèle à zéro oh wana oh bah comment on le voit poto modèle oh et gomme la vie son à venir l'université en tant que ministre à data ministre est-ce que modèle au Babel, Batunga, Mandela, n'a pas le temps où il y a la ministre, n'a modèle où il y a celle qui est là, n'a pas le temps. Merci beaucoup. Rapidement, s'il vous plaît. Bon, enfin, il est parti. J'avais rappelé ici qu'on parle de l'histoire de Kinshasa, s'il vous plaît. Oui, on va répondre parce qu'à celui que vous comparez tant au Zalaki ministre, n'a tant au Nini, mais tout ce qu'on a vu à Kinshasa, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, hello. Bonjour monsieur Kombona Nipe, intervention à Yozanini. Ah, bonjour, c'est 13 ans, bah, on a bien parti. Olubama Makasindeko, s'il vous plaît. Oh, c'est 13 ans, on a bien parti aux États-Unis d'Amérique. On a PC Mot en 8 heures, on a PC Bibi en Moté. Dans la question, moi, tout le monde a invité sur pourquoi Ponara Koumi Nangalima comme étant Koumi présidentiel. Pourquoi Bataka Ngalima comme présidentiel. Il y a une question. Merci. Tosi auditeur, mon sous 085-000-4440. Allô? Bonjour, Ndeko Marcel. Bonjour, Thierry Kamundi. Bonjour. Bonjour, Pena Papa, je connais le Congo. Bonjour. Bonjour, avec la moutine de l'été, il y a eu besoin de félicitations à Papa dans la connaissance. Il y a eu besoin pour ces deux Kimbangu. Oui, t'as beaucoup de mal à la clinique Ngalima na Gombe. En tout cas, là, on a tourné comme tout na. N'importe quel diagnostic là, qui est ça, au Bangou, par exemple, comme dans Léopoldville, na Lélo, Bangou, par Cambiango. Nini, oh, ça y touche. Donc, quand tu as besoin de diagnostic là, na Bangou, ou à pied, ici là, oh yo. Et quel qui toque qui ça et quel qui toque bien et baby bien comme malade donc il s'agit sur non qui ça c'est quoi pour le moment donné comme il a donné ben j'ai tiré quelque chose. Merci beaucoup tous les auditeurs bonsoir. Allô bonjour 085 000 44 40 089 44 44 471. Bonjour. Allô bonjour. Oui. Ouais la ligne là. Parlons en direct. Osa en direct, Ndeko, bengi biso wapi pe réaction na yo par rapport à l'émission Lelo Zanini. Na bengi bino à partir à Istanbul, na Turquie. Oui. Kombo na ngai Ndeko Rifri cousin da Tchachi. Oui. Na linga ki na tout na papa Thomas Louaka, la question mi balé. Yali boso, alobi lingala eza langi ya tribu moko te na Congo. Yango naninga ina tuna ye origine ya lingala sikoyo eza wapi euta wapi lingala. Ok, mutuna ya mibale. Wana mutuna na nga liboso. So mutuna na nga mibale, era lobi likambo ya bakampo na koprotege Gombe. Vila Kinshasa. A tangi juste quand pour na koprotege menace ko uta Angola, to menace oye ko uta na este ba protege Kengi. Mais est-ce que Congo Brazzaville pour na biso to kontaka yango menace te? Kan moko te ko yiko tongama pour na kotala pour Congo Brazzaville, tala dina Kinshasa en face. Merci beaucoup. Donc, des questions nga linga na tuna ngwa le mais o excusez nga linga na côte demande beaucoup pour nos petits fils ya colonel Church. Oui. Na yoka na histoire boka beta je connais le Congo que colonel Church a yebisaka Kasavubu ndenge mubuta lobaka ba accompagner na village na ye muta accompagner ka Kasavubu si je me trompe pas. A yebisaka Kasavubu ke ba koki ko déjouer coup d'état wana po bakanga mobutu je me souviens na éviter ça va se retrouver le sous la ligne de ces émissions yango na lingaki na tout na yiye est-ce que azana profondeur ya histoire wana parce que biso to bi histoire ya koko na biso te. Merci beaucoup. Merci. Bon, enfin. Merci beaucoup, Ndeko. Merci de nous suivre depuis Istanbul en Turquie. Ngena lobakia ezane sengo mingi to sur la péninsule à Congo en dehors ya Kinshasa. On se retrouve après le flash d'information pour la suite et la fin de cette émission sur la ville de Kinshasa avec Thomas Luaka. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Kimia. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Likambolile kelio maele mabulungani top dilem ezaliwa nampo na kusunga yo. Ezala normal bafanda basulula ezali kambute ekomana na famille pour za mabini. Donc maman faire très attention na likambo oyo. Monsieur et maman oyo ezami chimoko ya salité ko sala yango te. Top dilem tous les jours du lundi au vendredi de 16h15 à 17h55. Kolonion so kubanda mokolo mwalendi te mokolo mwa vendredi na ngonga 16h15 te 17h55 et lengela mipe bongi sami na Rachel. Le flash d'info avec Cécile Ngumba. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Okutani ya makambi basato ya bikolo bisato Rwanda RDC pe Angola yango ebandi lelo ye webate bokutani ya bango bazali kosale mabongo na Rwanda na ekolo Angola bongo bokutani mboye bazali mokolo ya mami matali bozangi bokengi bo bozami na monile mwa ekolo Congo démocratique kasi na ngambo ya société civile bango batelemi likambolie Top Congo FM minganga ya sinamed babandi mobui musala mwa bango lelo loye njoka ne na ngambo ya minganga ya simikoto minganga ya Congo bango ya cité tine ya boya mosa lelo ezalite pote blamantare azali koyano la moke moke na mbela ya minganga Top Congo FM kokoswe kokiko yingi na etuka ya Tanganyika bolo bibongo moko bankumu ya etuka me ona abakisi ete boko isami ya biro ya asamble provinciale ya etuka me boye bosili bonko salema yango esalemi kolansama na mibeko te na yango asibonko bwaka mbela na bakambi ekolo ete balandela likamboli Top Congo FM talaka ndambo basangula bukuse pona mokolo mwa lelo bandeko balandia Top Congo FM, Boukene Moussikate, Okoba Kolana Manaka Kitoko et Radio Abino. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.

Misefe mubantu, bingi la munga, mbwalo koronavirise Lelu wa manibantu, bela mungomo, tulonda imige. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Pour l'angai Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens c'est Van. Ma décision la police est à Olage Bazui. Ça va décision mon roi bien. Il faut battre ça en action puis il faut ça à suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Par mois, par jour, par semaine, c'est du lourd. Téléchargez, faites vos recherches, vos réunions en ligne et streaming sont comptés. À seulement 400 unités, bénéficiez de 4 gigaoctets d'internet valable 7 jours pour rester connecté comme jamais. Et oui, tapez étoile 144 dièse pour activer ou via l'application Orange Money Afrique ou encore l'application Orange et moi. Cette fois-ci, internet lui-même est étonné. La ville de Kinshasa, de ses origines à nos jours, nous en parlons avec Monsieur Thomas Louaka. Toloba chercheur, n'a passionné une histoire parce que Ndéromora Tuni na YouTube alobi, aza historien te aza chercheur ne. Et puis alingara histoire en Mboka Tangi, yangwana yo kabola biso mayele. Ndéromora Patuni na Belgique, ndeko Christian za alobi, makambwana nyoso zolo ba koma yango te pona nini. Projet zali. Oui, bin ndekomora koko ya de quoi tu viens d'abord na Istanbul? Koko ya church. Et ça n'ira pas ya. Ok. Alors que bah yebi histoire ya koko na bangote. Tout à fait. Alors que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays au point que il y a un boulevard. De là mobimba ba pesi komo na ye. Ça veut dire que les interpellations tolingara koko maté na Congo ponani. Qui va raconter notre histoire? Bref. Tous les auditeurs Nandela Singa, rapidement avant de passer invité la mise aux paroles pour répondre 085 000 44 40 089 44 44 471. Allô, bonjour. Bonjour Ndeko Thierry. Oui. Moi je suis papa Nanga Thomas Louaka, en tout cas la linga komi ezanga Ndeko Yannick Mouyaka. Papa Thomas Louaka, en tout cas, au moins, ma camo bimisaka presque na ba média, et j'ai presque histoire mounene yambo kanabiso. Ngaï moko nanoune na za awa, na za mouto na tanga kamingi ba livre, ya ba histoire yambo kanabiso, na za pe na livre Dernier jour de Maréchal, na pa la pas sa ba livre bele na tanga. Mais eloko na gosenga na yo, nanou na yo kate esika o sala livre. Sala me fils ki a tel livre, to, pe sa ta enseignement oyo, na ba école na biso, le fils qui va la qui sera pas la nabiso, au bas de l'eau à ce bout de ma lobby, le fils qui va passer à ma maison, c'est même mon ami. Bah, histoire pour être au bon église, j'ai remonté la bambou canadien. Parce que, les histoires à mon ami, c'est ma tabiso la bambou canadien. Normalement, il faut qu'on ait la mine d'un enseignement. Bah, la nabiso, bah, je l'obi, bah, apprendre, même histoire et les canadiens qui ont canadien. En tout cas, et l'eau la bien qu'on a pour féliciter la bah, histoire, mais n'a pas la yo. Sala ta livre, et qu'on s'en a bien, on s'en a livré là, tant qu'on a envie, l'obi éthique à la comme histoire Pénamboka. Merci. Merci beaucoup, Deko Yannick. Recommandation au sala livre au Koba. Il y a mon abonné qu'on l'a tout à l'heure. 085 000 44 40. Allô, bonjour. Allô, Nekwazana Skype, hein? Top Congo FM. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô, bonjour, Ndeko Thierry. Oui. Je vais vous tenir sur la mbote. Bon, la mbote est peine à monsieur l'invité, monsieur Louaka. Bon, Ndeko Thierry, dans l'année, il y a vraiment des pieds bandelés, il y a un peu de temps, l'histoire est bien croyée par un place de route. Pour que tu aies un peu de temps. Mais ce qui est place à mon route, c'est que tu aies bien sali, bon, soloté, tu as risqué de s'embrouiller. Bon, on a fait sa point de vue. Alors lundi, mais ça expliqué. Normalement, c'est ce qu'on appelle l'histoire classique, hein, auto, auto yo kaka. Et puis tout bout de temps, il va comment on a un livre, va miner les. Et c'est ça le problème, parce que grand prêtre Lumumba qui est le Romoro, il faut une histoire à ma congolaise écrite par ma congolais à Congo. Mais au bisou, toujours ça là, toujours relaté, ou ma minéne va comment, soit disant si vous avez un bisou. On prend cet exemple, comment vous pouvez vous imaginer qu'un journaliste, soit disant, va tindier à un à Congo, écoutez, un mot condiambo, comme on va signer papier, moutouana a pèse. Donc, c'est comme si souveraineté n'a pas moi, si pèse à moi la signature, vous avez bonne volonté, à bonne foi. Selon mes recherches, parce que moi personnellement, ça n'a pas ma recherche, est belle et approfondie, dans le cas où il y a un séminaire, Léopold II, avec qui vous avez connu la signature, c'était avec une guerre et la conquête. Il y a eu des guerres, mais les Blancs, ils ont caché. L'histoire n'a pas moi, il y a un peu de temps, Ça, c'est l'histoire écrite par les Blancs. Il y a un dossier dans la Congolais, Mayele, où il y a solo, ça, la recherche approfondie. Il y a un côté même, il y a un archive déjà, il y a déclassifié. Tout à la chercheur, il y a un côté dans l'archive, il y a un musée. Allô. Il y a vraiment eu. D'accord. Et sa histoire écrite, voilà. Ce sont des mythes et des légendes. Merci beaucoup, Ndeko. La vérité, c'est que le Congo, il a été conquis par la force. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y a eu beaucoup de victimes quand on est au monde à l'élo. Ok. Vous voyez, vous savez, ce nord. Donc, tout le monde voyait qu'il y a six. Bon. S'il vous plaît. Merci. Ndeko, c'est quoi Ndeko Alex Navier? Oui. À l'obi que l'histoire qui est relatée, c'est l'histoire écrite par les Blancs. Il y a une version de l'histoire sur base de la recherche. Et aux Amalamo, il faire face à la recherche de l'IOP. Il y a un lobby Tala, parce que les médias. Les médias, que le bakara boe boete, ne kosokozan a ba preuve y a ba recherche na yo, na documentation, ton fungo la ope porte le roi ton fungo l'indeko louaka, oye lobi, selon ba recherche nangai, et zalaki boe, le Congo a été conquis par la force, tala, contrairement à l'histoire que nous connaissons. Ça va faire avancer la science, ça va faire avancer la connaissance de tous. Allô, bonjour. Votre correspondant 089 44 44 471 085 000 44 40. Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa Thierry Kambouni. Bonjour, papa Thomas Louak. Je suis Marcel Kichambala. Bonjour, Ndeko. Point de vue, Nayo, et Zalini, par rapport à l'émission Adélo. Papa Thierry Kambouni, point de vue, Nayo, Zalika, en tout cas, félicitations à papa Thomas Louak, en ligne, est-ce que je connais le Congo à Nengalo Baka? Vraiment, merci beaucoup. 089 44 44 471 085 000 44 40 Top in a Skype, Top Congo FM de identifier en abisso. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Ndeko Thierry. Oui. Les gens ont pour vous dire. Ndeko héritier, au quitte sa volume, s'il vous plaît. Congo est là, le la propriété privée ya roi Baudouin. Il y a Lukunga, 1939. Siko a expliqué sur la pompage et alors on a une pompe à rouge. La régie des eaux en 1939, tandis que na histoire on a fait si attendu venant route tourisme était là pompage attendu en route par rapport à la Belgique quand Batunga la régie des eaux on a Bablo on a expliqué sur des sur les roses après bien Bablo on s'est attendu même la misé bien à ça la balivre pour tout son babiso moto dans la tour donc on prend la réalité y a Congo. Merci. Merci beaucoup. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. On prend un dernier intervenant. Allô? Allô? À partir de $15 par mois, payable en francs congolais. Allô? Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, bon, des voisins, on a mis sur la Skype, pas un mois de décalage, hein? On va le prendre quand même. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Ndeko. Obengi wapipe point de vue na yo zanini. Oui. Obengi depuis Luanda ville président za minute yo Angola. Yeah, na linga na lobela na pesipe Ndeko to malwa kambote mingi na linga ke mingi na landake na ba réseaux sociaux. Na linga na meko lobela pesipe mu case historique ya commune na biso ya Kisenso. Comme ça, na yebapi mo makamuzu pona Kisenso. Et puis, na linga na proposer loko moko na Radio Top Congo. Ce qui va couper cet espace, moro boye, na honorable Thomas Louaka, ayer lobele la bisoka ka je connais le Congo, na alobi na lingala, alobi na français, il va nous sala bien vraiment pour to capter ka et puis to bisope to andore, la tango pa bato ba koya lobi lobi. Merci mingi ko participation na ngwa. Merci Nayo Ndeko depuis Luanda en Angola. A précisé ville président Zali parce qu'effectivement le président est là-bas. Alors Marcel, je pense que Zalangonga et tout comme Nangonga bien, na lobaki aboué, ville à Kinshasa na yemo waza déjà nzoko. Toko kakolia yemo kolomo kote. Merci de bozola na biso de partout et il y aura une suite sur Kinshasa, une suite sur le Congo, c'est promis. Yemo rapesi malobanae à une émission. Rapidement Marcel, autant appeler ma message SMS Mbalamoko na 089 44 44 470 comme ça inviter na biso à répondre rapidement. Alors, de quoi l'obi qui va faire et asile à l'Afrique du Sud. Bon, question le bosson de Guatunaki. Pourquoi commune Yangali mais à la commune présidentielle? T'es allé qui a répondu Nayango. Ah, ok. C'est important. Oui, oui. Affaire asile à l'Afrique du Sud. Ah, ok. Et en fait, bah Sud-Africain, bah innovant qui bah zana technologie moko boué pour na kosala bah balabala à moins cher. Au lieu à côté ni sa bah kayas na bah matière mususu nasé, bah zana système moko boué bah compacté. Bah compacter argile et puis bah écouter les colonnes en haut, bah écouter asphalte. Expérience on a et salamaki awana Kinshasa au moni stade de martyrs. Les deux entrées balabala mi balé outina wileri et kotina stade de martyrs et salami na technologie wana test et salamaki na niveau wana na kanisi litile lo batwa monaka balabala wana ezali ko simba. Donc ça marche. Maintenant le problème il y a université et permettre na pensa na moi mise au point. Projet ya université, réhabilitation à venir à université, ezali projet ya ville ya Kinshasa. Gouverneur André Kibuta azali encore en vie. Projet wana ezali hôtel de ville ya Kinshasa, nde salaki projet ya réhabilitation à venir université. C'est la ville de Kinshasa qui a signé le contrat avec les Sud-Africains. Société Sud-Africaine, ezali ngaite Thomas Louaka. D'accord. Comment na ekokota na dossier wana? À un certain moment, l'hôtel de ville est essoufflé financièrement. Bah, c'est ici qu'on a niveau ya gouvernement central. Donc, ngai na ya kotia bango maboko. Voilà comment na yeko kote na kati ya projet wana. C'est un projet de l'hôtel de ville de Kinshasa. Na koti na projet wana. To financer à un moment et puis bisope to katani. S'il vous plaît, oui. De Gotoma Louaka, tous en tamoké. Ok. Je préfère, au sale mise au point. Ok, merci. Et ça n'avait rien à voir avec notre émission. Mituna Ezaibele. Alors, pourquoi commune Yangali Mezali, commune présidentielle? Non, en fait, tant que tous indépendance. Les gouverneurs généraux y a colonie abandé ko vananda ko lelo e koma primature biro naye ezalaki o lelo na tiaki ango ministère d'enseignement supérieur universitaire sur le boulevard Tchatch. Donc abanda uta na primature na makolo po aya na biro naye na indépendance tant que zui indépendance biro ya gouverneur général président de la république azu ango et comme bureau na ye président Kasavubu asala na boulevard Tchatchi pendant mandat na ye Mobimba donc asala ki na ngalie matin. Deuxième chose, le premier ministre Lumumba a zui résidence ya gouverneur général au lele comme primature et comme ki ndaku na ye pe bureau. Mais si ko yo président Kasavubu a ekozwa ndaku ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ezalaki na mongaliema nde komi résidence na ye. Donc président Kasavubu a récupéré résidence ya gouverneur ya ville ya Kinshasa na mongaliema nde koma ki ndaku na ye. Mobutu tango asali coup d'état na ye a zui siko habitude ya ko travailler aza ko fana na mongaliema pe a komi ko sala pe na mongaliema komba biro. Voilà comment e ko se déplacer et komi quartier présidentiel. Mais aujourd'hui officiellement bureau ya président de la République ezali na palais de la nation, mongaliema ezali kaka ndaku o ya vandaka. D'accord. Différence entre Kinshasa et Lobi na Kinshasa et Lelo. Oui, non Kinshasa en termes d'infrastructure est bébé. Et bébé pour nanini. Batubaza la kala moyide. Tozu indépendance na 1960 Kinshasa azana 300 000 habitants. Lelo oyo ba dernière statistique et bi sibso Kinshasa tozana 17 millions d'habitants. 17 millions. Donc une ville ezala qui prévu pour 300 000 habitants, Lelo to commune a 17 millions d'habitants, les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, ça ne peut pas aller. Origine Lingala ndeko comprendre bien te est-ce que Brazzaville les a menacés? Origine à Lingala, naïb sa ibino ndenge que l'Israël s'est créé, qui c'était un mélange qui est venu comme ça, n'a confirmé les sous aucune tribune à Équateur ou à Lobak. C'est vrai que na Makanza, basana moi monoko moko boy influence, ça qui mingi Lingala, mais aucune langue ne parle Lingala comme on connaît pas mboka. Congo Brazzaville, a menacé par rapport à Yaba. Quand ça la livre? Congo Brazzaville, exactement qu'on a négligé Bango, mais juste pour appeler ça bah chiffre, na statistique bah effectif y a armée africaine, oh y a 2022. Voici ce que ça donne. La RDC a zali 5e armée africaine avec 151 000 hommes. L'Angola a zali 10e armée africaine avec 107 000 hommes. L'Ouganda a zali 14e na 45 000 hommes. Le Rwanda a 16e na 33 000 hommes. Le Congo Brazzaville, Bazali, 35e armée africaine avec 10 000 hommes. Et ça, c'est qu'on a négligé qui bango, mais on a considéré que pour Nabiso, na taille armée Nabiso, les grandes menaces, les menaces sérieuses pour Nabiso, Ezali, Angola, na Ouganda. De quoi lobby, Congo, Ezali qui suivi, donc l'Andamaki na ba guerre et conquête, Ezali qui facilité que Mundele a signé ba accord. Wana pe ba accord ango Ezali qui signé nanani, de quoi mora l'oua kayeba. Merci Mingi. Lobaki a installé a signé ba accord na makoko, mais de quoi ça n'a raison. Bande qu'on a biso, bande qu'on signé, ba koko n'a biso, bande qu'on signé, il comprenait pas ma kamboer mou bazo signé. Mais il faut le bana équateur à un moment Stanley à comment qu'il équateur mokonzi moko ya mungala boye a ebisier il faut signer mokonzi la bien a ko signer ni nazo comprendre te qu'est-ce que Stanley a fait a bimisi ba canon na batone ya bana ko tamo na za ina canon de canon group a bimisi wana a beti deux coups de canon batu ba lengi et ils ont signé les documents donc ils ont arraché le consentement azana raison tango a conquête et puis il y a eu quelques résistance et salamaki pour une installation à état. De quoi lobby bango baïp makambako on a bango tchachite. Tchachi azalaki proche collaborateur commandant ya unité spéciale ya maréchal na 1960 commando ya bapara Tchachi donc c'était un grand officier à qui Mobutu avait confiance entre autres. Tant que Mobutu a sali coup d'état en 1965, Kasavubu a sengi Mobutu le droit à Zonga à Kinekovana na Mayombe, cortège au Bapesi, Kasavubu po e Zongi sa na Mayombe, et Zalaki dirige na Tchachi. Tant que Bakumi na Mbanzangungu, Tchachi a ebisi président Kasavubu, ex-président Kasavubu, Mokonzi, Makambo, Mobutu a sali na ba officier, ba sali na sepeli na ngote, pe sangai ordre na Zoaba. Charo ezali na ba otoble ni na ba charo ezali na Mbanzangungu na zozonga Kinshasa ko kanga batu nyonso. Kasavubu alobaki a répondre na Tchachi, ce n'est pas la peine. Mais la question totuna ka pona nini Kasavubu aboyaki. Première raison, Kasavubu aboyaki makila etanga. Parce que ebaki tango ba charo no koyaba ou musuba ko résister. Deuxième raison, il paraît que Kasavubu a ebaki relation entre Tchachi na Mobutu, que Tchachi aza vraiment mutu ya Mobutu, c'est un piège bazo tendre e batala soki azana pesé encore résister. Liwa ya kokolo. Liwa ya kokolo, Kokolo na 1960 Lumumba Kasavubu alongo Lumumba Lumumba alongo le Kasavubu question comme qui est légitime question on est au comme un conseil une assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre 1960 assemblée nationale est voté dans leur grande majorité que le président l'autorité légitime na Congo Ezali Kasavubu donc Lumumba perdre mais ba pays où il vota qui pona Lumumba entre autres les Ghana Mobutu a décidé que bengana ambassade nyonso o ba votaki en faveur à Lumumba. Donc a pesi bango alobi bokanga ambassade bokende, ambassadeur à Ghana a boy alobi Mobutu n'est pas le gouvernement. Mobutu alobi na koyana ba soda na ko bengana yo, ambassadeur alobi Mobutu soko za mobali na zozela yo oyana ba soda na yo na ambassade nanga ko bengana ngai. Batu a zozela siko suspense, Mobutu a okenda okendete na dernière minute. Mobutu a décidé atinda vie kokolo, kokolo a kekuna alinga kota na kati ambassade ba militaire ghanéen baza ko ebisa ko kota te na anglais via za ko yokate via teti a franchir barrière ba beta masasi akufa na ambassade ya Ghana yango expression comme na Kinshasa yoko kufa liwa kokolo c'est-à-dire liwa buzoba merci mingi Thomas Luwa kanalo ba ibo Kinshasa ezali nzokoto osil sa yango mokolo morte d'ailleurs émission moko to sala na ezaka consacrer une explication ya bakombo ba venu bakombo ya bakan bakombo ba nini ezaka malamu mingi merci Nayo, merci vraiment pour la disponibilité. Merci Nabino Bansou Baibolanda Gibiso. Naibi Keboza, vous êtes resté sur votre soif. On va se rattraper. Et recommandation, la proposition demande à Saibiso na Luanda pour examiner une émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parlons-en. Merci à Marcel Kitambala. Merci. Et aux équipes techniques. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez